moi je vais m'occuper de tes... de tes coffres. Ton feu est éteint, ta tour d'or. T'es pas déco, t'es juste mort. Ton lit, ton sac, ton flair absent. Moi je glisse dedans, élégamment. Viewer me suit, silencieux comme l'ombre. Pas un bruit sauf ton stuff qui succombe. Codelock, devine qui l'a deviné. C'est rail de scale, je viens tout nettoyer. Tu dors, je récupère ton farm, ton air, tout ce que t'espérais hier. Tu dors, je m'installe. Ton chez-toi devient mon squat brutal. Un petit piège, un faux sac au sol. T'es tombé dedans comme un enfant d'école. Ta base est un musée de raté. Chaque tiroir, je le vide avec fierté. Je ferme derrière, je te laisse une note, merci. Pour le phare, c'est pas une faute. C'est de l'art du rust tactique. Pendant que tu rêves, moi je te nique. Tu dors, je récupère. Rien n'est à toi quand je suis dans l'air. Tu dors. Je prends ma part et je te laisse les miettes, c'est un départ. T'aurais dû love a fire. Pas sous mes yeux. Pas dans mon désert. Tu dors, je récupère. T'as tout farmé, je fais mon affaire. Déjà reparti, t'as qu'à regarder la rue. Tu dors, je récupère. T'as tout farmé, je fais mon affaire. Tu dors, je suis déjà reparti. T'as qu'à regarder la rue, baby. Viewer, clip ça. On appelle ça une visite de courtoisie.